DJ Enough. Un fauteuil pour deux, pour que ça se précise. Entre quatre murs, l'audio persiste. Traveling, gros plan, deux puces sur la liste. Une télécommande commence à péter par étape. Entre les mains d'un bambin qui dérape, échappe et change de cap. Loin est la tour de Fobocobo, il s'embourbe. Loin sont les griffes des adjectifs et les vers acerbes. Quelle mauvaise herbe, ce super Satan en air. Mais où va-t-il? Mais que fait-il? Personne ne le sait. Ou tout du moins, personne ne se l'avouer. Car en fait, c'est la proie de l'étrange lucas. À chacun sa nouvelle prière, à chacun sa nouvelle foi. Branchez vos neurones, consommez par procuration. Sans trop de mal, happé par l'étrange lucarne. Captivé par l'image, je vis la vie d'un autre. Sans trop de mal, happé par l'étrange lucarne. Captivé par l'image, je vis la vie d'un autre. Sans trop de mal, happé par l'étrange lucarne. Captivé par l'image, je vis la vie d'un autre. Sans trop de mal, happé par l'étrange lucarne. Captivé par l'image, je vis la vie d'un autre.